Attention les enfants, c'est important. Génial! Attrapez-le et c'est un tour gratuit. Attendez bien l'arrêt complet du manège avant de monter ou descendre. Attendez bien l'arrêt complet du manège avant de monter ou descendre. Merci. Bonjour à vous. Venez avec nous. Allez, allez-y les petits pilotes, les petits chauffeurs, prenez place en voiture, en avion, allez-y, prenez place. Allez-y les petits pilotes, les petits chauffeurs, prenez place en voiture, en avion, allez-y, prenez place. Est-ce que vous me recevez? Starman, répondez. Est-ce que vous me recevez? Vers l'infini.